مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. أخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن آجي الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية كوغ ديسبونسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فأخذنا في الدرس السابق الكلام عن الاستثناء. On a pu voir le chapitre concernant الاستثناء وأتينا بتعريفه لغة. On a pu voir que c'est quoi إخراج شيء عن بعضه. C'est le fait d'extraire une chose d'une autre dans la langue arabe. استثنى كذا من كذا أي أخرجه من قاعدة عامة. C'était par rapport à la définition que le mu'allif wa rahimahullah ta'ala il n'avait pas évoqué. فبدأ هو il avait dit حروف الاستثناء ثمانية. كذلك parmi les choses qu'on avait pu évoquer par rapport à aux rectifications qui doivent être apportées au matn de Al-Ajrumiyya dans le bab al-istithna, le mu'allif wa rahimahullah ta'ala il a commencé directement ce bab en nous apportant que حروف الاستثناء sont au nombre de 8. On avait pu voir que التعبير الدقيق, celui qui est l'expression qui doit être dit par rapport à cela, c'est de dire adatu al-istithna. Car adat al-istithna, celle qu'il a évoquée, rahimahullah ta'ala, illa wa ghayr wa siwa wa suwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasha, ce sont pas des حروف. Tam illa naham sa harf. Ghayr wa siwa wa suwa wa sawa'un, ce sont des asma. Donc le fait d'évoquer un hukm qui est global en disant que c'est des حروف, alors qu'il y a dans ces adat, il y a des asma, et kadhalika, il y a des afhal. Tam hada c'est pas laiq, tam c'est pas convenable. Et naam, il avait كذلك خلا وعدا وحاشا اختلفوا فيه العلماء par rapport au fait est-ce que ce sont des asma ou bien plutôt est-ce que ce sont des ahruf ou bien est-ce que ce sont des afhal. Tam fa al khilaf il est warid, donc on veut pas venir et dire que huruf al istithna ils sont nombreux, on appelle ces choses là huruf, tam c'est pas possible car il y a des asma, il y a كذلك des afhal على قول من العلماء في النحا. فالصحيح on dit adatu al-istithna. Et كذلك au nombre, il a dit qu'ils sont au nombre de 8. Et on a pu voir que il y a un ta'dil à faire parce que il a évoqué des synonymes. Fa siwa wa suwa wa sawa'un, tam c'est la même chose. Tam c'est trois adat qu'il a évoqué rahimahullah ta'ala, c'est un même sens. Sauf que c'est une manière d'écrire qui est différente, lakin c'est le même sens, tam c'est le même mot. C'est juste la manière d'écrire qui est différente. Et il n'a pas tout évoqué, tam. Il y a d'autres aussi adat al-istithna, lakin ça c'est sûr ceux qui sont les plus courantes et les plus utilisées dans ce bab-là. Wa umul bab, c'est illa. Celui qui est référence, c'est le harf qui est plutôt l'ada qui est référentiel dans ce bab-là, c'est illa. On avait pu évoquer que la définition au niveau de عند العلماء النحو. On avait pu évoquer la définition par rapport à cela. C'est la même que celle lughatan, lakin en disant yani huwa ikhraj. إخراج المستثنى من المستثنمين بإلى وإحدى أخواتها في الغالب. On avait évoqué في الغالب car dans certaines situations, la jumla, ce sera une jumla istithnaïa, laquelle il n'y aura pas de mustathnamin. On avait pu évoquer kazalika les arcanes de ce bab-là qui est bab al-istithna. Et l'arcane de ce bab-là, ils sont au nombre de trois. On a le mustathnamin, la chose dans laquelle on va extraire. On a adat al-istithna, et Namnouti qui va nous permettre de faire cette action-là, d'extraire une chose d'une autre. Et on a le mustathna, celui qui a été extrait. Fait dans la phrase, ja'a Muhammadun ou ja'a al-qawmu illa Muhammadun illa ja'a al-qawmu illa Muhammadan. Fait al-istithna, plutôt le mustathnamin dans cette phrase-là, c'est le qawm. Adat al-istithna, c'est illa. Et le mustathna, c'est Muhammad. Qui a été extrait du qawm, c'est Muhammad. Ja'a al-qawm illa Muhammad. Et le peuple est venu excepté Muhammad. Fait Muhammad, il était. On l'a exclu de ce mustathnamin qui est al-qawm. Et il peut être kathalika même bab al-istithna, il peut juste avoir, comme on a pu évoquer, adat al-istithna et le mustathnami qui est pas véritablement mustathna, lakin fi suratihi batan shamajdi ja'a, ou plutôt ma ja'a ila muhammadun, ma ja'a ila muhammadun. Faha huna, on n'a pas évoqué de mustathnami. Muhammad ici, il n'a pas été extrait d'une autre partie dans la phrase ma ja illa muhammadun, et c'est que Muhammad il est venu, il n'y a que Muhammad qui est venu. Ensuite rahimahullah ta'ala, il a pu évoquer ahkam au niveau de l'iram de l'istithna par rapport aux situations, parce que bab al-istithna il a plusieurs situations. Fait le premier, il avait dit qala fal mustathna bi illa yunsab idha kana al kalam ta'man mujaban. On avait pu évoquer le sens de ces istilahat là. إذا كان الكلام تاما تاما, c'est-à-dire que المستثنى من il a été évoqué, et موجبا, c'est-à-dire que la phrase elle est affirmative. ما المراد بالجملة الموجبة dans le bab al-istithna, c'est celle dans laquelle il n'y a pas de nafi, ni de nahi et ni de istifham, comme l'a évoqué dans l'exemple قام القوم إلى زيدا. Fait dans ce genre de situation là, المستثنى qui est زيدا, il est obligé d'être mansoub. Pourquoi? Parce que la jumla, c'est une jumla qui est tam, c'est-à-dire que dans laquelle il a été évoqué المستثنى من qui est القوم. Et elle est mujab, c'est-à-dire qu'elle ne commence, elle n'apporte pas le sens du annafi. Qam al-qom illa zaydan, là c'est affirmatif, il n'y a pas de négation. Il n'y a ni kazalika dans cette phrase-là, le sens de l'interdiction, et ni kazalika le sens de l'interrogation. Enfin, dans cette situation-là, il est obligé d'être mansoub. Le mustathna, il est obligé d'être mansoub. Lorsque la jumla, c'est un istithna qui est tam, qui est muttasil, qui est tam et qui est mujab. Muttasil, c'est-à-dire que le mustathna, il a été extrait du mustathnamin, c'est le même jins, et que le naham il a été évoqué, et que la jumla elle est quoi, elle est mujaba, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, ghayr mujab. Dans ce cas-là, il est obligé d'être mansoub. Kazalika, dans un autre cas où il est obligé d'être mansoub, lorsque al-istithna, on a pu voir, c'est un istithna qui est quoi, qui est munqati', même ma'na munqati', c'est-à-dire que le mustathna il ne fait pas partie du mustathnamin. Le mustathnamin a été évoqué, là entre le mustathnamin et le mustathna, il n'y a pas de, ils font pas partie du même genre. Comme on avait évoqué par rapport à l'exemple, li kulli da'in dawa illa al-mawta. Faha huna, il est obligé d'être mansoub. Pourquoi? Parce que la jumla tam c'est elle est munqati'a. Le istithna est munqati', c'est-à-dire que le mustathna ne fait pas partie du mustathnamin. Est-ce que la mort c'est une maladie? Là, li kulli da'in dawa'un illa al-maut, c'est-à-dire que pour chaque maladie il y a un remède excepté la mort. Est-ce que la mort fait partie de la maladie? Est-ce que la maladie, au pitnam, la mort fait partie de la maladie? Là, c'est pas une maladie. Donc là, le istithna est le munqati', c'est-à-dire que il n'y a pas le mustathna, il rentre pas dans le jins, dans le genre du mustathnamin qui est dans cet exemple-là, adda, qui est la maladie. Donc dans ce cas-là, al-mauta, il peut être que mansoub. C'est faux de dire li kulli da'in dawa'un illa al-mauti ou illa al-mautu. Ça c'est la yajouz et c'est une erreur dans la langue arabe, dans la grammaire. T'es obligé d'être mansoub. Là c'était le deuxième cas. Il y a un troisième cas dans lequel il est obligé d'être mansoub, lakin, inshallah, celui-là on le laisse pour un autre kitab, inshallah, de barakat ta'ala. Ensuite, en dehors de ces cas-là, là on parle de istithna avec illa, donc en dehors de ces cas-là, tu as le choix soit de rendre le mustathna mansoub, ou bien soit de rendre kazalika ala al-badal. Et ça c'est si jamais la jumla du istithna elle est muttasila tam lakin ghayr mujab, Muttashila, c'est-à-dire que le mustathna, il fait partie du mustathnamin. Tam, il a été évoqué. Tam. Tout muttashil, il est tam, obligé. Et ghayr mujab, c'est-à-dire que la jumla, elle a le sens de la négation, ou bien l'interdiction, ou bien de l'interrogation. Ma qam al qawmu illa muhammadan. Tu peux dire illa muhammadan ou illa muhammadan. Pourquoi non. Parce que la jumla ici, elle est muttashila, c'est-à-dire que le Muhammad, il fait partie du qawm, du même jins. Tam, parce qu'il a été évoqué, le mustathamin, qui est le qawm. Ghayr mujab, parce qu'on a trouvé dans la phrase le sens de la négation. Maqam al-qawm, ça c'est une négation. Maqam al-qawm illa muhammadan. Si je veux, je dis muhammadan, mansoub ala istithna. Ou si je veux, je dis muhammadun et ala mura'ati al-badaliya. Ou bien ils disent al-ittiba. C'est-à-dire que le mustafna qui est muhammad, il va prendre le même i'rab que le mubdalamin, celui qui va remplacer tam, si on peut dire ça, tam, celui qui va suivre. Parce que entre le badal, celui qui suit, on appelle le mubdalamin. Fahuna, le mustafna, il aura le rôle du mubdalamin. Au niveau de l'arabe, pas au niveau du sens. C'est-à-dire que vu que al-qawm il est marfou', Muhammad il est obligé d'être quoi? Marfou'. Ma qam al, enfin, il est, tu as la possibilité de rendre marfou', mais il est obligé d'être marfou' si jamais tu observes al-ittiba' al-badaliya. Ma qam al-qawm illa Muhammadun. Pourquoi il est marfou'? Parce qu'on a observé al-badaliya et pas al-nasb al-istithna. Si jamais j'aurais dit مثلاً, ma ra'aytu al-qawm illa muhammadan, là il peut être comme un sauf, c'est-à-dire que même si on dit al-nasb al-istithna, kadhalika au niveau du badal, au niveau de l'ittiba, ils sont obligés d'être comme un sauf parce que al-qawm il est quoi? Il est comme un sauf. Pareil avec le majrur, ma marantu bi ahadin illa muhammadin, ma marantu bi ahadin illa muhammadin, fahawna كذلك محمدين تلشوا دو متر محمدين أو بيان محمدا محمدا على النص بالاستثناء ومحمدين على لفي كي سوا الاتباع لو 3 لو 4ème لو 4ème كا سيتي سي جامي الاستثناء il était quoi مفرع مفرع c'est le did de tam التام c'est celui dont le مستثنى من l'a été évoqué والمفرع c'est celui dont le مستثنى من il n'a pas été évoqué ما جاء إلا محمد ما جاء إلا illa muhammadun. Tamaja illa muhammadun. Dans ce cas-là, le mustathna qui est muhammadun, ou d'autres parmi les exemples, il est ala hasab mawqi'ihi fi l'i'rab, selon sa position dans l'i'rab. Et comment on fait pour connaître sa position dans l'i'rab? C'est simple. Yani, de comprendre déjà la phrase. Lorsqu'on dit maja illa muhammadun, qui a fait l'action de venir? C'est Muhammad. Donc celui qui fait l'action du fi'l, on l'appelle quoi? Al-fa'il. Ou sinon, tu as une deuxième option qui est que tu enlèves le al-nafi, ou bien annahi, ou bien l'istifham, ala hasab, tamam. Et tu enlèves illa. La phrase là, ma ja illa muhammadun. Tu enlèves ma et illa, ça va donner quoi? Ja'a muhammadun. Et dans l'arabe de ja'a muhammadun, muhammadun est quoi? Il est fa'il. Donc il aura l'arabe du raf ala fa'iliya. Il sera marfou' parce qu'il est quoi? Il est fa'il. On aurait dit, مثلاً, ma رأيت إلا محمدا فهنا محمد إلى بجد خوان منصوب خوان بس كموقعه في العرب إلى مفعول به ومفعول به إلى منصوب. Si on aurait dit مثلا ما مرنت إلا بمحمد. Bon, celui-là il est simple parce que le bas il est rentré dans المستثنى. Fait dans deux cas il est obligé d'être منصوب, c'est lorsque le استثنى il est متصل, il est تام, il est موجب. ما قام القوم إلا محمدا. Tu peux faire comme, il peut être comme un soub. Le deuxième cas, s'il est munqati'. Afwan. S'il est munqati'. Al-istithna. On dit directement munqati'. C'est-à-dire que quoi? Qu'il n'est pas muttasil. C'est-à-dire que al-mustathna, il ne fait pas partie, il n'est pas, c'est pas un jins du mustathnami. Likulli da'in dawa'un illa al-mawta. Il est obligé d'être comme un soub. Ça, c'est les deux cas. Il y a un troisième, celui-là, on verra, inshallah, dans un autre kitab, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Le troisième cas, c'est lorsque tu as le choix entre le nasb et l'ittiba. C'est lorsque le cas l'istithna, il sera quoi? Il sera na'am barakallahu fikum, il sera muttasil tam ghayr mujab. Muttasil tam ghayr mujab. Ma qama al-qawm illa muhammadan, ou si tu veux tu dis illa muhammadun. Et la quatrième situation, c'est ala hasab mawqi'ihi fi l'i'rab, selon sa position dans l'i'rab. Si jamais il est fa'il, il sera marfou. Si jamais il est mansoub, il sera mansoub. Si jamais il est maf'ul bih, je veux dire, il sera mansoub. Si jamais il est harf ou jar, il sera si jamais il est ismun majrur, il sera majrur. Et ça, c'est lorsque le istithna, il est mufarra. Même ma'na mufarra, c'est qu'il n'est pas tam. C'est quoi tam? C'est celui dont le mustathna min, il a été évoqué. Donc le mufarra, c'est celui dont le mustathna min, il n'a pas été évoqué. Madja'a illa muhammadun. Fahuna, tu peux dire que muhammadun, wala yajuz laka an takun muhammadan. Parce que mouqi' muhammad fi l'arab, c'est qu'il est fa'il. Et le fa'il, il peut pas être mansoub. Ensuite, il avait évoqué les autres adawats de al-istithna. Il avait évoqué les asma, minha. Avec ghair, siwa, suwa, sawa'in. On a pu voir que siwa, wa suwa, wa sawa, c'est la même chose. Il a évoqué, rahimahullah ta'ala, que le mustathna, dans ce hukm-là, lorsque le istithna va se faire par soit ghair, siwa, sawa, ou plutôt suwa, wa sawa, il sera quoi? Il sera majrur ala l'idafa. Le mustathna, il sera majrur ala l'idafa daiman. Ma marantu. جاء القوم غير محمد جاء القوم غير محمد ما جاء القوم غير محمد il sera toujours majrur ala l'idafa. Lakin on avait pu évoquer min bab al-fa'ida que c'est que cette adat qui sont ghayr siwa wa suwa wa sawa, eux par contre ils ont l'arabe, vu que ce sont des asma, ils ont une position dans les arabes. Et les arabes de ghayr, suwa, siwa, wasawa, il aura le même arabe que les quatre situations qu'on a évoquées. Si jamais il est dans une jumla, dans l'istithna qui est tam, namut tafsil tam, mujab, il sera obligé de remonsoub. Si jamais il est dans une jumla, dans l'istithna, il est munqati, il est obligé de remonsoub. Si jamais il est dans une jumla, dans l'istithna, il est naam. Dans l'istithna, il est mufarra, c'est-à-dire qu'il n'est pas tam. Donc il n'a pas été évoqué le mustathna, il sera à la hasab muqayyan fil i'rab. Donc ça me dit ma jaa ghayra muhammadin. Là il sera marfou, parce que là il est fa'il dans la jumla, ma jaa ghayra muhammadin. Il aura le même i'rab que les situations qu'on a évoquées par rapport au mustathna, lorsqu'il est mustathna bi illa. Il aura le même i'rab. Ghayr, siwa, wa suwa, وسوا, ils auront le même arabe que le mustathna lorsqu'il est évoqué l'istithna bi illa, tout simplement. Le mustathna bi khala, wahada, wahasha, celui-là, il peut être quoi? Soit mansouf, si jamais on prend en considération que khala, wahada, wahasha, ce sont quoi? Ce sont des afhal. Et si jamais on prend en considération, comme c'est un qawl parmi les ulama, que ce sont des ahruf, et ce sont des harfu jar, eh bien, il sera majrur. Ala annahu ismu jar. Ismu majrur. Ça, c'était la khulasa par rapport au cours qu'on avait pu prendre la semaine dernière. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, s'il n'y a pas de questions par rapport au cours, on poursuit le nouveau bab qui est bab la et la nafiyatu li jins. Qala rahimahullahu ta'ala, qala babu la. Wa allahuna. تمثل لا نافية للجنس لا نافية نافية للجنس لا نافية للجنس parce que là il a plusieurs معاني dans النحو. Il peut être, c'est un harf nafi, il peut être un harf nahi, l'interdiction. Il peut être là celui qui est min akhawat laysa tam ila akhirih tam. Il a plusieurs emploi dans al-nahw. Celui qui est évoqué ici, c'est la nafiyatu lil-jins. Celui qui va être employé afin d'apporter une négation qui est totale par rapport au isme qui va le suivre. Une négation qui est totale, qu'on appelle une négation qui est yani istighraqiyya. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de doute par rapport à la négation qui est faite sur ce genre de choses-là. Inch'Allah, on va évoquer avec les autres. Donc là, ce qui est voulu par là, c'est quoi? Nafiyatun liljins. Qala rahimahullahu ta'ala, qala i'lam anna la tansibu an-nakirati bighayri tanwinin idha basharat an-nakirata wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid-dar. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, comme à certaines de ses habitudes, là il a commencé directement la définition de la nafiyatun liljins en ramenant al-hukm au niveau de l'arab. فنون إن شاء الله تبارك وتعالى فك لفائدة وتامة. On va évoquer أولاً le معنى de la nafiyatul jins عند علماء النحو. Ils ont évoqué parmi la définition de la nafiyatul jins, قالوا تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق. On répète la définition qui est propre à la nafiyatul jins. قالوا تدل يعني cette lame plutôt celle-là تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق. Lorsqu'il a dit la rajula fi dar, là on a rapporté une négation qui est quoi? Qui est totale. Comme ils ont dit ici. على النفي الخبر أي لا رجل موجود في الدار. Là on a apporté la négation sur la présence d'une personne plutôt d'un homme dans la maison. كما قالوا تدل على النفي الخبر. C'est quoi le khabar dans la jumla? La رجل في الدار أي لا رجل موجود في الدار. On a apporté la négation qu'il n'y a aucune présence. Il n'y a aucune présence d'homme dans cette maison-là. Tadullu ala nafi al-khabar, comme dans l'exemple, c'est-à-dire nafi al-wujud. Anil jins al-waqi' ba'daha. C'est quoi le jins al-waqi' ba'daha? C'est al-rijal. On ne trouve pas d'homme dans cette maison-là. Il n'y a pas de présence d'homme dans cette maison-là. Ala sabil al-ihtimal, est-ce que c'est une probabilité qu'il n'y a pas ou qu'il y a des personnes dans cette maison, plutôt des hommes dans cette maison-là? Ala sabil al-istighraq, ay ala sabil al-tamsil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. Lorsqu'on dit la rajula fi dar, la personne a comprendre directement qu'il n'y a aucune présence d'homme dans cette maison-là. Il n'a pas un chèque, il n'y a pas une probabilité qui peut planer dans sa tête. Lorsque tu dis la rajula fi dar, il comprend qu'il n'y a pas, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun homme dans cette maison-là. Donc, ça c'est la définition propre. Tadullu ala nafi al-khabar, elle apporte la négation sur le khabar, alin jins al-waqi' ba'daha, par rapport au genre de la chose qui se trouve après là, c'est-à-dire ismola dans l'exemple qui est ar-rajul. قال على سبيل الاستغراق ما معنى ذلك اي عن جميع افراد الجنس نصا لا على سبيل الاحتمال. Lorsqu'ils disent istighraq, ma ma'na al-istighraq ay an jami' afrad al-jins, c'est-à-dire qu'elle prend la totalité du genre. La négation, elle s'applique sur la totalité du genre qui rentre sous cette catégorie-là. Nassan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de probabilité. La ala sabil al-ihtimal. Fahada huwa, c'est la définition propre de la nafiyatul jins. Tadullu ala nafi al-khabar an al-jins al-waqi' ba'daha. Ma ma'na al-jins al-waqi' ay al-ism al-waqi'. Al-ism al-waqi' ay an jins al-ism al-waqi' ba'daha. Comme dans l'exemple, la rajula, huna rajula, c'est quoi? C'est le jins al-waqi'. Le genre d'homme. Et le khabar, il est souvent sous-entendu. La rajula fiddar et la rajula mujudun. Ça, c'est le khabar fiddar. Mais certains, ils évoquent directement que fiddar, c'est le khabar, lakin as-sahih. C'est que son khabar, il est quoi? Il n'est pas évoqué. Il n'est pas évoqué. Généralement, il n'est pas évoqué. Et yuqaddar mujud. Le khabar de là, le qaddar, on le sous-entend par al-wujud, mujud. Ça, c'est si jamais ça n'apporte pas d'influence au niveau du sens de l'exemple. مثلا شيء مش دي لا إله إلا الله لكذلك هنا le la هنا c'est la نافية للجنس. لكن est-ce que le taqdir du khabar dans cette jumla là qui est la ilaha illallah, est-ce que c'est la ilaha mawjoud illallah? Là on peut pas dire mawjoud, c'est pas possible parce que ça n'a pas de sens dans le sens où il y a des ilah qui sont présentes لكن عبد بالباطل qui sont adorés dans le faux. أما الله عز وجل il est adoré dans le vrai. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire dans l'i'rab de cette phrase-là, la ilaha illallah, on ne peut pas dire le khabar qui est sous-entendu dans la jumla, la ilaha, ay la ilaha mawjoudun illallah. Hada laysa bi sahih. De dire qu'il n'y a pas de divinité présente excepté Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est faux. Il y a des ilahs qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin bil batil. C'est pour ça que ulama as-sunnah, lorsqu'ils font des i'rab, iqaddam awalan qawa'id al-shar. Ils regardent les. Ils font précéder les règles religieuses aux règles du nahw. C'est pour ça que dans dans ce genre de i'rab là, ils disent ulama as-sunnah par rapport à l'i'rab de la ilaha illallah, ils disent la ilaha ay la ilaha ma'budun bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Dans ce cas-là, on dit cela. Ou si jamais tu veux, comme ils ont dit certains ulama, tu peux dire la ilaha ma'budun la ilaha mawjudun bihaqqin. La bas, jamais tu ramènes bihaqqin, la bas, que tu ramènes mawjoud. Lakin, jamais tu dis la ilaha mawjoudun illallah, hada c'est une khata, et c'est pas sahih, ça va au contraire du kitab, et kadhalika de la sunnah. Donc, al-asl fi taqdir al-khabar, idha ulima, Même si on le connaît, parce que des fois, dans la jumla, il est obligé d'être évoqué le khabar, parce que si jamais on ne l'évoque pas, on ne va pas comprendre quel est le sens du khabar. La kinyajouz, an yuhzaf al khabar, qu'on le supprime si jamais la jumla tadullu alayhi, si jamais elle indique le sens du khabar, si jamais il est compris directement. Il est sous-entendu, et le fait qu'il soit sous-entendu, il est compris dans la phrase. La rajula fid dar, on comprend qu'il n'y a personne dans la maison. On n'est pas obligé de ramener la rajula mawjoudun fid dar. Le khabar, il est compris dans cette phrase-là. La rajula fid dar ay mawjoudun. Lakin si jamais il n'est pas évoqué, hada la yajuz. La yajuz que tu le supprimes, il faut qu'il soit évoqué. Et al asl fi taqdirihi, comme on le sous-entend, par mawjoudun bishart, que ce taqdir là, il n'est pas à l'encontre, il ne s'oppose pas au qawaid min ad-din. Il n'a pas le droit de s'opposer aux règles religieuses, tam wa ahkam qui sont shar'iyya. Si jamais c'est le cas, il doit être sous-entendu par un sens qui est conforme au qawaid ad-din ou ahkam ad-diniyya. Comme on a pu évoquer avec l'exemple de la ilaha illallah. Kathalika, ils ont évoqué un dhabit qui te permet de savoir est-ce que la nafiyatul injins, elle est nafiyatul injins, c'est-à-dire que ala sabil al-istighraq, c'est-à-dire qu'elle prend jami' al-afrad, elle prend tout, elle apporte le sens de la négation totale par rapport au, à la catégorie qui rentre dans le genre de, ce, de cette chose-là. Ils disent que tu peux mettre mi. Maintenant, dans la phrase qu'il a évoquée dans l'exemple, la rajula fid dar ay la min rajulin fid dar. Tu peux mettre mine. À partir du moment que tu peux sous-entendre mine, ça te permet de savoir que ce là-là, il a porté le sens de nafiyatun injins. C'est-à-dire que c'est une négation qui est totale, qui ne laisse pas de probabilité. Que tu peux mettre, tu peux sous-entendre mine après là. La mine, rajulin fid dar. Ça, c'est le drabit qu'ils ont évoqué pour ceux qui veulent, yani pour pouvoir reconnaître. Cette là nafiyatun injins, vu que là il a plusieurs sens, et ça c'est comment ça s'appelle, une voix qui te permet de reconnaître la nafiyatun injins. Lakin généralement t'as pas besoin de ce min, t'as besoin de connaître al-shurut et de comprendre la phrase. Si jamais t'as compris la phrase, tu vas savoir que là yani ce qui est voulu c'est nafiyatun injins. Si jamais je dis la rajula fid dar, la personne elle va pas comprendre que il y a une ou deux personnes dans la maison. Il sait que par rapport à la phrase il y a personne dans la maison. Kazalika, parmi les choses qu'ils ont évoquées avant d'arriver au hukm de la nafiyatul injins, ils ont évoqué que la yajuz, à partir du moment qu'on sait que la nafiyatul injins, c'est un nafi qui est total, qui ne laisse pas un fardoun mais l'afrad. Dans ce cas-là, c'est pas, ça fait partie de la contradiction de dire مثلاً, la rajula fid dar et la rajulaini. Alors la yajuz, c'est faux de dire ça. La rajula fid dar et la rajulaini. De dire que d'employer la nafiyatul injins alors qu'on sait que c'est pour la nafiyat al-mustaghraq, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas de probabilité, c'est-à-dire qu'on a apporté une négation qui est totale sur le jins de ce isma-là, qui est al-rijal. Et ensuite, on vient couper cette totalité en disant illa rajulayn, il n'y a pas d'homme dans la maison excepté deux hommes. On ne dit pas ça d'affaire. Ça, si tu ne veux pas utiliser le la nafiyatul injins, si jamais tu l'utilises, ce sera la al-nafiyah. Ou bien la allati ta'mal amalu laysa. Amma cela là, ce ne sera pas le la nafiyatul injins, c'est-à-dire qu'il y a des ahkam qui suivent par rapport au ism et kadalika par rapport au khabar. Ce sera le même la, lakin la fonctionnalité elle va être différente. Lorsqu'on fera les arabes, on ne dira pas que la c'est nafiyatul injins, on dira la, yani c'est un harf nafi, ou bien la min akhawati laysa. Ala hasab. Ça, c'est une chose importante. La nafiyatul injins, c'est une erreur de venir et de faire un istithna avec elle. Parce que là, tu es venu pour apporter le comment ça s'appelle, la nafiyah qui est global. Qala rahimahullah ta'ala, qala i'lam. Donc on revient au texte. Qala i'lam anna la nafiyatul injins tansibu an-nakirati bi ghayri tanwinin idha basharat an-nakirata wa lam tatakarram la نحو لا رجل في الدار. Dans cette phrase là, al-mu'allif rahimahullah ta'ala nous a évoqué le hukm de la nafiyatul injins et certains des shurut qui sont en rapport avec la nafiyatul injins. Il nous dit rahimahullah ta'ala que cette la nafiyatul injins tansib an-nakirat. Donc là il nous apporte un hukm qui est que hiya tansib an-nakirat. Tam hiya tansib awalan. Aram mansub. Tam. Aram mansub ma'a al-ism. Tam. Qu'est-ce qui évolue? هي تنصب النكرات ما المعنى بالنكرات النكرات أي الاسم c'est-à-dire celui qui vient derrière. C'est-à-dire celui qui vient juste derrière la nafiatul jins. Comme dans l'exemple, la rajula fi dar, tamhuna. Qu'est-ce qui est voulu par An-Nakira dans son texte là? C'est dans l'exemple qu'on a cité, c'est Rajula. Dans Rajula. Il nous dit Tansibu An-Nakira. Ay, al-ism al-ladhi, ba'daha, la budda an-yakuna nakira. C'est faux de dire La, mathalan, la khalila fi dar. Khalil, c'est pas An-Nakira. On a pu voir que Khalil, c'est pas Nakira, lakin Khalil, c'est Ma'rifa. On a pu voir le bab de Nakira et bab al-Ma'rifa. On a pu voir que parmi les ma'arif, première chose qui sont définies, al-alam, t'aimes les noms propres. Fait lorsqu'on dit la khalil fi dar, fahahuna, le la nafiatul indins, ça ne peut pas être la nafiatul indins. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition qui manque, qui est par rapport au ism. Le ism, il se doit d'être nakira, comme il a évoqué hahuna. Alors que huna, khalil, il est quoi? Il est ma'arifa. Fait c'est une erreur, t'aimes de dire, مثلا, si je fais l'arab, la khalil fi dar, en disant que la nafiatul indins. Ça, c'est une erreur, t'aimes. Ça, c'est une erreur. Et le la huna, ça peut être que la Al-Nafiya ou bien La Alati Ta'mal Ramalu Laysa. Et ce ne sera pas Khalila, lakin ce sera Khalilu. Fa hiya tansib an-nakirat. Comme c'est le cas ici, La Rajula fi dar. Fa dar al-Rajul, huna il est quoi? Il est nakira. Qala bi ghayri tanwin. Naham. Parce que généralement, Al-Kalimata nakira, ils ont quoi? Ils sont munawwana. Ils ont un tanwin à la fin. Lakin avec La Nafiyatul Injins, le nakira, il ne prendra pas de tanwin. Comme c'est le cas ici, comme on peut voir. Dans l'exemple, il n'a pas dit la rajulan fi dar. Il a dit la rajula. Al-ismu, on l'appelle ismu la nafiatul injins, celui qui vient juste après, il est nakira. Et en plus d'être nakira, il ne prend pas de tanwin. Qala rahimahullah ta'ala bishart. Idha basharatil nakira, afin, cette condition-là, afin que le ismu, il y a tansib. Il faut que le ism qui vient juste après elle, la nafiatul injins, c'est-à-dire ismuha, il faut que yubashiraha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de farsil entre les deux. Il n'y a rien qui sépare la nafiatul injins de son ism. Si jamais c'est le cas, elle n'aura pas, elle ne va pas rentrer mansoub. Si maintenant on aurait dit la fidari rajula, ça c'est faux de dire ça. La fidari rajula. On ne dit pas rajula, laquelle on dit rajulun. Pourquoi? Parce que entre la nafiatul injins et son ism qui est quoi rajula huna, il y a une chose qui est venue les séparer, qui est huna fiddar. Dans ce cas-là, elle n'aura pas le rôle de rendre mansoub et ce ne sera pas la nafiatul injins. Qala rahimahullah ta'ala wa lam tatakarrar. Naam, si jamais elle se répète, ça ne sera pas kadhalika la nafiatul injins. Elle vient une seule fois. Elle la tatakarra. Fa le fait dire, mathalan, la fidari rajulan, la fidari rajulan, wala mura'atun, mathalan, la fidari rajulan, wala mura'atun, fa alla huna, c'est pas nafiatul injins, pourquoi? Li anna takarrarat. Elle a été répétée. Donc le fait qu'elle soit répétée, ça peut pas être la nafiatul injins. Elle se répète pas. Donc là, dans cette jumla-là, il a évoqué, rahimallah ta'ala, hukmu la nafiatul injins, et il a évoqué, rahimallah ta'ala, deux conditions, plutôt même trois. La première des conditions, c'est que le ismuha, c'est-à-dire celui qui suit derrière, il faut qu'il soit nakira. En plus d'être nakira, il faut qu'il soit ghayr munawwan, il ne prend pas de tanwin. À condition que son ism, tamam, il n'y ait pas de farsil entre la nafiatul indins et son ism. Et qu'à valika, que la nafiatul indins, elle ne se répète pas. Si jamais ces conditions-là, respectées, la nafiatul indins, Ta'mal ramalu inna. Elle va avoir le même ramal que inna. C'est quoi le ramal de inna? Tansibu al-mubtada wa yakun isman laha wa tarfa'u al-khabar wa yakun khabaran laha. Dans l'exemple qu'il a évoqué, la rajula fi dar, si on fait les arabes, on dira la nafiatul injins. Comme on a su que c'est la nafiatul injins, parce qu'on peut mettre min entre la et rajula. La min rajulin fi dar, hadha yaslah. Le fait que saluha taqdir min entre la nafiatul injins et rajula, ça nous montre que la huna c'est bima'na la nafiatul injins. Et kadhalika dans le sens, on sent que là elle apporte le sens de l'istirraq. Ça c'est sa condition. Il faut qu'elle apporte le sens de l'istirraq à la sabil et tamsis. Là à la sabil et ihtimal. C'est qu'on n'a pas un seul doute que la négation elle est totale et il n'y a pas de probabilité dans cela. Il n'y a pas aucune probabilité. Ça c'est les deux rabbits pour reconnaître la nafiatul injins. Donc il y a un essai harf. Harf. Il est même dit la nafiatul injins, il n'a pas de mahal dans l'arabe. ورجلا on dira اسمها. Et il est mabni ala ma yunsab alayhi. Le ism de la nafiyatun min jins, il sera mabni ala ma yunsab alayhi. Si on fait l'arabe, on dira mabni ala ma yunsab alayhi. Rajula, lorsqu'il est mansoub, on a pu voir, parce que c'est un ism qui est mufrad, et le ism al-mufrad, on a pu voir dès le début, dans bab al-nasb, il est mansoub. Il est mansoub bil fatha. Fala hana kadhalika, il sera مبني على ما ينصب عليه لو كان منصوبا تمام c'est-à-dire que là il est مبني si on fait l'arab il est مبني على ما ينصب عليه comment il est مبني est-ce qu'il est مبني على ضمه est-ce qu'il est مبني على الكسره est-ce qu'il est مبني على الفتحه est-ce qu'il est مبني على السكون il sera مبني على ما ينصب عليه لو كان منصوبا lorsqu'il est معرب رجلا تم رجل lorsqu'il est معرب il est منصوب بيش بالفتحه فها هنا il sera مبني de la même manière qu'il est mansoub si jamais il était. Alors c'est la marna de yubna ala ma yunsab alayhi law kana mansouba. Donc rajula ismuha yani ismu la nafatun jins mabni ala ma yunsab alayhi. Mabni ala fatha on dira directement wa khabaruhu muqaddar. Il est sous-entendu. Taqdiruhu mawjoud. Et il est marfou. Si on prend le on dira le khabar wa khabaruha mahdhuf taqdiruhu mawjoud marfou. بلا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفي الدار حرف جر والدار اسم مجرور تمام ça c'est l'i'rab de la jumla lorsque les shurut ils sont requis et on rajoute une condition par rapport au ismuha quand est-ce qu'on va donner l'i'rab en disant que yubna ala ma yunsab alayhi c'est lorsque le ism sera quoi il sera mufrad ma ma'na mufrad يعني c'est lorsque le ism n'est pas mudaf et nani kadhalika shibh jumla شبه جملة إن شاء الله laissez-le car c'est un peu ça peut paraître un peu compliqué إن شاء الله on le verra dans un kitab لكن مضاف معروف il faut que le اسم لا نافية للجنس afin qu'on puisse dire dans l'arabe qu'il est مبني على ما ينصب عليه لو كان منصوبا il faut qu'il soit مفراد c'est-à-dire qu'il n'est pas il n'est pas مضاف فمثلا si jamais on aurait dit لا رجل سوء في الدار il n'y a pas de mauvais homme dans la maison هنا le ism de la nafiyatul jins il n'est pas mufarad il est mudaf parce qu'on a dit la rajula su'in il n'y a pas de mauvais homme dans la maison si on fait l'i'rab là ce sera la nafiyatul jins rajula ismu la nafiyatul jins mansoub là il est mansoub dans ce cas là pourquoi parce qu'il n'est pas mufarad il est mudaf mansoub wa huwa mudaf wa su'in mudafun ilayhi majrur بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره la différence sera au niveau des arabes si jamais اسم لا نافية للجنس il est مفراد dans les arabes on dira il est مبني على ما ينسب عليه si jamais il est مضاف إليه اسم لا نافية للجنس لا يسوها معرب يسوها معرب directement et on dira il est منصوب comme dans l'exemple la rajula su'in fi dar rajula on dira ismu la mansub bila wa alamat nasbihi al fatha al zahira fi akhirih wa huwa mudaf wa su'in mudaf ilayhi baynama sajama nahdi la rajula fi dar fa huna on dira quoi rajula mabni ala al fatha yani on dira ismu la mabni ala al fatha pourquoi il est mabni ala al fatha parce que lorsqu'il est mansub il est mansub ala al fatha c'est pour ça qu'on a choisi la fatha tam si jamais مثلا on aurait dit une kalima dans laquelle elle est mansoub مثلاً avec une kasra مثلاً comme si on aurait dit مثلاً la safahati fi al-daftar la safahati fi al-daftar il n'y a pas de feuille comme il n'y a aucune feuille dans le cahier la safahati fi al-daftar فها هنا safahat est-ce que c'est un mufrad ou bien c'est un mudaf هنا il est quoi il est mufrad c'est-à-dire qu'il n'est pas mudaf فدans l'arabe on dira la nafiyatu lil-jins وصفحاتي اسم لا نافية للجنس أي اسمها تمام مبني على الكسرة. Pourquoi la chose de la kasra dans ce cas-là? La personne peut se dire pourquoi là il n'est pas مبني على الفتحة comme dans la rajula fi dar. Pourquoi? Parce que صفحاتي c'est un جمع مؤنث السالم تمام والجمع مؤنث السالم lorsqu'il est منصوب il est منصوب بالكسرة comme on a pu le voir dans باب المنصوبة تمام lorsqu'il est منصوب le جمع مؤنث السالم il est منصوب بالكسرة فها هنا اسم لا نافية للجنس lorsqu'il est مفراد il se doit d'être مبني على ما ينصب عليه لو كان منصوبا et comme صفحات Si jamais il aurait été mansoub, il est mansoub bil kasra, fa huna yubna ala al kasra. Dans ce cas-là, yubna ala al kasra. Si maintenant je dis la kafirina fi dar, la kafirina fi masjid, la kafirina fi masjid, fa huna kafirin ki ismu la nafatun jins, huna il est quoi? Il est mabni al fatha. Il est mabni al fatha fi l'akhir. Et pourquoi on a rendu kafirin? Pourquoi on n'a pas dit kafirun? Parce que kafirun, ou bien kafirin, lorsqu'il est mansoub, il est mansoub bi-h, il est mansoub bi-ya, comme on l'a pu voir. Parce que c'est quoi? C'est un jam' mudhakkar salim. Et le jam' mudhakkar salim, lorsqu'il est mansoub, il est mansoub bi-ya, niyabatun an al-fatha, comme on l'a pu voir. Donc là, on a, on dit la kafirina fi dar, parce qu'il est quoi? Il est mufrad. Donc là, il sera mabni al-fatha, parce qu'il se finit avec kafirina. Lakin, dans l'écriture, tu vas l'écrire comme si jamais il était quoi? Comme si jamais il était mansoub. Et halou madarra, etc. par rapport au sort de i'rab. Lorsqu'il a dit i'lam anna la tansibu an-nakirat, lorsqu'il dit tansibu an-nakirat, il faut savoir que le ismu la il est ala ashkal. Il peut être mufrad, c'est-à-dire qu'il n'est pas mudaf, il peut être mudaf. Si jamais il est mufrad, yubna ala ma yunsab alayhi law kana mansouba. Et si jamais il est mudaf, ben là il n'y a pas de problème, il est mansoub. قال رحمه الله تعالى قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا إنه دي رحمه الله تعالى أما سجما لا نافية للجنس لا تباشر اسمها c'est-à-dire que entre elle et اسمها il y a une chose qui vient les séparer. Il dit dans ce cas-là le حكم de son اسم c'est qu'il est obligé d'être quoi مرفوع قال وجب الرفع et قال ووجب تكرار لا. À partir du moment que la nafiat al-jins, il y a une chose qui la sépare entre elle et son ism, il sera obligé de remorfler cette kalimat-là. Et qu'à les cas, tu es obligé de répéter là. Maintenant, je me dis la fi dari rajulun. Et je me tais, c'est faux. La fi dari rajulun. Pourquoi on a dit rajulun, on ne va pas dire rajula awwalan? Parce qu'il y a une chose qui a séparé rajula de la nafiat al-jins. Qui est normalement nafiat al-jins, lakin là, dans le cas-là, ce n'est pas nafiat al-jins, c'est la nafia, tout simplement. Là, il y a une chose qui a séparé entre les deux, qui est quoi? Fiddar. Fiddar, ce n'est pas son ism. Donc là, elle a séparé. Donc là, l'objet est morfou. La fiddari rajulun. C'est faux de dire la fiddari rajulun. Ou bien de la fiddari rajula. Et en plus, tu es obligé de répéter. La fiddari rajulun, wa la mra'atun, wa la kalbun, wa la qittun ila akhirihi. Tu es obligé de ramener dans le tafsir. Tu es obligé de détailler toutes les personnes qui ne sont pas présentes dans la maison. Si jamais... entre la et son ism, il y a une chose qui vient les séparer. Tu es obligé de le rendre marfou. Et ce qui suit derrière, est obligé de répéter là. Tu es obligé de répéter là. Comme il a dit Hauna. قال فإن لم تباشرها أي فإن لم تباشر لا نافية للجنس اسمها وجب الرفع ووجب تكرار لا. قال نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل ولا امرأة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. Il nous dit رحمه الله تعالى si jamais on répète la nafiyatu l'injins, si jamais tu la répètes la nafiyatu l'injins, là on est dans l'exemple où il n'y a rien qui sépare ismuha, il n'y a rien qui sépare la nafiyatu l'injins de son ism. Il nous dit lakin si on veut répéter cette la nafiyatu l'injins, comme il va l'évoquer dans l'exemple la rajula fi dari wa la mara'ata, il dit si jamais on répète, il dit dans ce cas-là jaza i'maluha wa ilgha'uha. Ma ma'na hadha ay jaza laka que la nafiyatu l'injins tu'miluha, c'est-à-dire que tu vas lui donner la fonctionnalité de inna wa khawatuha, qui est de quoi rendre mansoub l'ism et de rendre marfou' al-khabar. Et tu as le choix in shi'ta ilgha'uha, c'est-à-dire que tu ne donnes pas la fonctionnalité de inna wa khawatuha, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de fonctionnalité dans la phrase. Et à partir du moment qu'il n'y a pas de fonctionnalité, donc les mots, on doit les laisser à la base marfou, tant qu'on n'a pas une chose qui va les rendre majrour ou bien une chose qui va les rendre mansoub. Il nous dit dans ce cas-là, tu as le droit et tu as le choix de dire مثلاً, la rajula fi dari wa la mara'ata, ça c'est bi'atibar annaka ra'aita al-amal, tu as observé le fait que la nafiyatu l'injins ala amal, le amal de inna wa akhawatuha. قال وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. Et là tu as le choix كذلك de dire avec الرفع, Pourquoi? Parce que là, il n'y a rien qui rend mansoub. Il n'y a rien qui rend mansoub et kadalika, il n'y a rien qui rend majrour. Donc le asl dans la kalima, elle est quoi? Elle est obligée de marfou. Donc ça, kadalika, c'est une chose à observer. Lorsque la nafiatul jins tatakarra, lorsqu'elle est répétée, tu as le choix entre la rendre, tu as le choix entre l'amel, ou ilra ou al-amel. Ça, c'est ce qu'a évoqué al-mu'allifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. On va faire une petite khulasa de ce bab-là, inshallah, avant de le conclure. La nafiatul jins par rapport à son amel, hiya ta'mal ramalu inna wa akhawatiha. Elle a la fonctionnalité de rendre, la fonctionnalité de d'œuvrer comme œuvre. La inna wa khabatiha, c'est-à-dire le nasr pour le ism et le khabar et le harf pour le khabar. Par rapport au khabar, comme on a pu évoquer, le khabar al asufihi an la yizkar, on l'évoque pas. Pourquoi? Parce qu'il est compris, il est compris dans la phrase. On le comprend dans la phrase. Et le fait qu'on le comprend, les Arabes ils aiment bien al ikhtisar fi al kalam. Ils aiment bien que le kalam soit concis. Et plus c'est concis, et mieux c'est dans la langue arabe, et plus c'est éloquent. Donc si jamais le khabar il est compris, pour eux, ils ne voyaient pas la faïda de le répéter. Parce qu'il est compris. La rajula fiddar, tu comprends qu'il n'y a personne. On est en train de parler de la présence. La rajula fiddar, et il n'y a personne qui est présent dans la maison. Tu n'as pas besoin de ramener la rajula mawjoudun. Si jamais tu le ramènes, la basbihi, lakin, al-usub al-arabi, c'est que tu ne le ramènes pas. Excepté si jamais il n'est pas compris. Si jamais il n'est pas compris le khabar, tu es obligé de le ramener. Tu es obligé de le ramener. Un exemple, مثلا, si jamais tu dis la ahada aghyaru min Allah. La ahada aghyaru min Allah. Il n'y a pas une personne qui est aghyar, c'est-à-dire qui a, c'est pas la traduction si jamais elle est bonne, c'est de la jalousie. C'est la jalousie dans le haqq. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, la kullahan. Du zal, ou je ne sais plus comment il traduisait ça. Al-muhim. La ahada yani aghyaru min Allah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on viole ses lois, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Et il n'y a personne qui a le plus de colère et de haine lorsque c'est les violations des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont violées qu'Allah azza wa jal. Il n'y a personne qui a ces ghayra yani, qui est plus intense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-ma'na. La ahada aghyaru min Allah. Fa'a huna, le khabar c'est aghyar. Est-ce qu'on peut le supprimer? C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait pu dire, مثلا, la ahada min Allah? On n'aurait rien compris. La ahada min Allah. La jumla, elle n'a pas de sens. Fait, dans ce cas-là, tu es obligé de l'évoquer. Pourquoi? Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Fait, al-aslu fil khabar, annahu la yizkar. On ne l'évoque pas. Lakin, yajib annaka tazkurahu idha lam yufham min al-jumla. Si jamais il n'est pas compris dans la jumla, tu es obligé de l'évoquer. Et le as dans son takdir, lorsqu'il est sous-entendu, le as du takdir, c'est quoi? Mawjoud. La présence. Excepté si jamais ce sous-entendu-là, il contredit les qawaid du shara, comme on a pu évoquer avec les arabes de la ilaha illallah. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire la ilaha mawjoud, c'est faux. La ilaha mawjoudun illallah, c'est faux. Donc dans ce cas-là, les arabes, le khabar, il doit être. On doit observer le sens qui est propre à son ism. Et comment ça s'appelle, le contexte. Farahana, on ne peut pas dire mawjoudun, on dit la ma'boud. La ilaha ma'boudun illallah. Bihaq. Kadalika, comme il a pu évoquer, rahimullah, parmi les shurut de la nafiatul jins, il faut que le la nafiatul jins, ça soit d'un nafi qui est total. Mathalan, la rajulayni fiddar, on ne dit pas la rajulayni fiddar. Parce que la rajulayni, c'est sous-entendu qu'il y a plusieurs personnes. C'est pas un tansis. Il n'y a pas de tansis par rapport au jins. Parce que al jins, c'est quoi? C'est rajul. Lorsque je dis la rajulayn fiddar, il n'y a pas deux personnes dans la maison. Est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas d'homme dans la maison? Là, c'est possible qu'il y en a trois, c'est possible qu'il y en a un, là qu'il n'y en a pas deux. Donc à partir du moment qu'il y a un irtimel, eh ben, il ne peut pas être quoi? Ça ne peut pas être la nafiatul jins. Il faut que le jins qui est évoqué juste après, il faut qu'il soit manfi. Il y a une négation qui est totale. La rajulayn fiddar. Le genre de l'homme dans cette maison-là, il n'est pas présent. Et son... Kadhalika est parmi les shurut, comme l'a évoqué Rahimullah Ta'ala, il faut que le ism, il soit quoi? Il soit nakira. Et nakira bila tanwin. Et kadhalika le khabar, kadhalika le nakira. Il n'a pas évoqué, lakin, min bab al-fa'ida, le khabar, il faut qu'il soit quoi? Kadhalika, il faut qu'il soit nakira. La rajula mawjoudun fiddar. Donc il ne peut pas être quoi? Ma'rifa. Il ne peut pas être ma'rifa. C'est faux de dire que la nafiatul jins, c'est la nafiatul jins dans la jumla qui est la khali'ila, مثلا, la khali'ila fiddar. Là, c'est la khali'ilun fiddar. Parce que Khalil, il est quoi? Il est ma'rifa. Et ismuha, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit nakara. Kadalika, parmi les choses qu'il a évoquées, rahimahullah ta'ala, il ne faut pas qu'il y ait de fasla entre elle et son ism. La fiddari rajula, c'est faux de dire ça. La fiddari rajulun. Et en plus, le fait qu'elle soit séparée, il faut que tu répètes. La fiddari rajulun, wa la mara'atun, wa la ilakhirih, parmi les tafsirs qui doivent être évoqués par rapport à la phrase. Et ensuite, ils ont évoqué d'autres choses, laquelle ça, inshallah, c'est plus dans d'autres termes. Donc, ça, c'est la khulasa de ce chapitre-là qui est la nafiatun jins, qui est un verbe qui est simple et qui est beaucoup évoqué dans le Coran. Donc, je vous invite à chaque fois que vous trouvez, maintenant, dans le Coran ou bien dans la sunna, un exemple avec la nafiatun jins, de faire les arabes et de méditer sur les arabes. Et non, on avait évoqué cette chose-là par rapport à la faïda, que par rapport à les arabes de ismu la nafiatun jins, il faut observer le fait que est-ce que le. Est-ce que le mufarad, plutôt l'ism, est-ce qu'il est mufarad ou bien est-ce qu'il est mudaf? Ça, c'est juste par rapport à la manière dont tu vas faire les arabes. Juste par rapport à la manière dont tu vas faire les arabes, si jamais les mufarad, tu diras mabni ala fatha, ou mabni ala kasara, ou mabni ala adam, mabni ala kasara, mabni ala fatha, ila akhirihi, ala hasab. Mais si jamais les mudaf, tu diras les mansoub, mubashara. Mais si jamais les mufarad, tu diras les mabni ala ma yunsab alayhi law kana mansuba. Donc ça, c'est la khulasa de ce qu'on a pu voir inchallah aujourd'hui, en espérant que le dars il a été compris, barakallahu fikum, et inchallah tabarak wa taala, dans une prochaine assise on poursuivra ce maître qui est mumtia, qui sera le prochain bab al munada inchallah. Fa s'il y a pas de questions inchallah par rapport au cours, on se quitte sur cela. Wa nas'allahu subhanahu wa taala an yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.